mes chers amis, je vais vous raconter un fait bien étrange qui est arrivé. La statue de Sainte-Anne d'une fenêtre est tombée. Et voilà qu'un miracle nous est arrivé. Une fillette a couru, ramassa la statue. Elle s'était toute brisée lorsqu'elle est tombée. Les larmes ont jailli des yeux de Saint-Anne. Le ciel s'assombrit le jour de Vincent. Les gens du village, même les moins sages, arrivèrent sur les lieux où se produit ce miracle. Ils se mirent à genoux, le monde était fou de ce fait bien étrange. De Saint-Anne, pour croire au miracle, il faut avoir la foi de dire la fillette à tous les villageois. Les malades, les infirmes subitement sont guéris. Croyez-moi, mes amis, un miracle qu'il s'agit.